Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mercredi 20 novembre, nous souhaitons une bonne fête au Edmond. Les dictons nous disent le 20 novembre brumeux, hiver rigoureux, à la Saint-Edmond le temps n'est pas bon. Alors on verra tout à l'heure dans la météo que l'un de ces dictons pourrait s'avérer être exact. Célébration internationale aujourd'hui. Journée internationale des droits de l'enfant, journée de l'industrialisation de l'Afrique, journée du souvenir trans en mémoire des violences faites aux personnes trans et intersexes et au Royaume-Uni. C'est l'anniversaire du mariage de la reine Elisabeth II. Ça s'est passé un 20 novembre 1945, ouverture du procès de Nuremberg. 1959, proclamation de la déclaration des droits de l'enfant. 1989, adoption de la convention relative aux droits de l'enfant. Allez, tout de suite, on va écouter Chris qui nous présente des événements avec la Maison de la Bresse. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo, 107FM, c'est Chris. Et aujourd'hui je reçois Charlotte Zimmer de la Maison de la Bresse pour nous parler de trois différents événements qui se passeront très prochainement à la Maison de la Bresse. Bonjour oui. Charlotte. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va très bien, merci. Pouvez-vous nous parler de ces trois événements? Alors, le premier, ce sera un concert chœur mixte et piano. D'accord. Avec l'ensemble Noctuel et au piano Julie Richard. Donc, le concert s'appelle Les Romantiques et Poulenc. Donc, beaucoup de classiques durant ce concert. Donc, ce sera samedi qui vient, le 23 novembre, à la salle des fêtes de la Bresse à 20h30. D'accord. Et les places sont au tarif de 12€ et 10€ en prévente. Et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. D'accord. Est-ce qu'il y a un effectif dans la salle maximum? Alors, on attend à peu près 130 personnes. D'accord. Ensuite, il y a 20h04 de l'idée sans détour, opus 14. Oui, tout à fait. Donc ça, ce sera le jeudi 28 novembre à 20h04, bien sûr. Donc, si jamais je rappelle un petit peu ce que c'est le 20h04, ce sont quatre intervenants qui vont parler de leur métier ou leur passion ou un aspect de leur vie qui est sympathique. Et donc, ils ont 20 minutes chacun pour vous convaincre et vous passionner. Et donc, pour ce 20h04-ci, nous aurons Margot Lemaire et Aurélie Kienzi qui ont participé au 4L Trophy, entre D'accord. copines. On aura ensuite Lina Cano qui est psychologue et qui nous parlera du bien-être holistique. Mmh. On aura ensuite Amandine Pavelko qui, elle, a participé au Raid Amazon, donc au Vietnam. D'accord. Et enfin, nous aurons Julie Strelzik, qui est un humoriste et qui nous montrera son dernier spectacle qui s'appelle Santé. D'accord. Cet événement, donc le 20h04, c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout public, c'est gratuit. D'accord. Et c'est à la Maison de la Bresse. D'accord. Et ensuite, le 30 novembre, il y a une avant-première violoncelle et marionnette. Tout à fait. Donc cette fois-ci, ça s'appelle The Nest, la maison des âmes. Et c'est proposé par Stan Duguay, qui est violoncelliste, et le maître marionnettiste japonais Kenroku. D'accord. Donc ce sera samedi 30 novembre à 15h à la Maison de la Bresse. Et c'est une avant-première, car le spectacle complet sera joué le soir même à Cornimont, à 20h30. Et donc quel est le lien entre le violoncelle et les marionnettes? Bah en fait, Stan Duguay est fan de la culture japonaise et D'accord. il a décidé de faire un voyage au Japon où il y a rencontré ce maître marionnettiste. Et du coup, ça s'est fait tout simplement. Tous les deux ont décidé de créer un spectacle ensemble. D'accord, donc les marionnettes, j'imagine que les marionnettes vont danser sur la musique du violoncelliste. Oui. D'accord. Donc ce sont des très grosses marionnettes presque à taille humaine. D'accord. Et pareil, c'est tout public. Je pense que ça plaira autant aux enfants qu'aux grands. C'est gratuit également? Également, oui. Donc nous rappelons les trois événements qui ont lieu donc à la Maison de la Bresse. Alors sauf le premier concert noctuel, D'accord. c'est à la mairie, D'accord. à la salle des fêtes. Le 23 novembre. Oui. À 20h30. Tout à fait. Ensuite il y a le 28 novembre, le 20h04 de l'idée sans détour opus 14 à la Maison de la Bresse. Oui. À 20h04, logique. Évidemment. Et il y a le 30 novembre, l'avant-première comme nous venons de le dire, violoncelle et marionnette à 15h. Oui, c'est ça. D'accord. Un dernier mot peut-être? Bon, on vous attend nombreux, ça va être super. Et puis bien sûr, on s'attache toujours à ce que ce soit des spectacles et des événements tout publics. Donc voilà. D'accord. Et merci Charlotte de nous avoir partagé cela. Et donc on vous souhaite tout le meilleur pour ces événements. Merci. Et donc n'hésitez pas à revenir si vous avez d'autres événements. Ah oui, pas de souci. Très prochainement dans la région. Merci Chris, et on ne quitte pas Chris qui nous parle du don du sang du mois de novembre.

said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't. Le groupe Eagles avec leur titre Hotel California sur RGM, un peu plus de 8h43. On parle anniversaire. Ils sont nés un 20 novembre 1943. Naissance de Veronica Hamel, actrice mannequin américaine vue dans la série télé Philly dans le rôle du juge Marjorie Brennan. La série New York 911 ou encore Lost. 1947, naissance de Joe Walsh, chanteur, compositeur, guitariste américain du groupe Eagles. 1948, naissance de Barbara Hendricks, soprano américaine. C'est également l'année de naissance de Richard Mazur, acteur américain connu pour son rôle de David Kane dans la série télé Au fil des jours. 1954, naissance de Gervais Martel, homme d'affaires français, président du club de foot, président du Racing Club de Lens de août 88 à juillet 2012 et de juillet 2013 à septembre 2017. 1959, naissance de Mary Shawn Young, actrice américaine vue dans Blade Runner dans le rôle de Raquel, Wall Street dans le rôle de Kate Jekko, Ace Ventura, détective chien et chat ou encore Dr. Jekyll et Mrs. Hyde. 1961, naissance de Larry Karaszewski, scénariste américain, scénariste du film Ed Wood de Tim Burton, de Man on Fire, Man on the Moon ou encore Percy Jackson, La Mer des Monstres. 1963, naissance de Ming-Na Wen, actrice sino-américaine, vue dans la série télé Urgence dans le rôle du docteur Jing Mei Chen, Stargate Universe dans le rôle de Camille Vray. Depuis 2013, elle joue le rôle de l'agent Melinda May dans Marvel, Les Agents du Shield. 1971, naissance de Joel McHale, acteur américain vu dans Spider-Man 2 dans le rôle de Jake et la série télé Community dans le rôle de Jeff Winger. 1973, naissance d'Angelica Bridges, et actrice américaine connue pour son rôle de Taylor Walsh dans la série télé Alerta Malibu. 1975, naissance de Joshua Gomez, acteur américain connu pour son rôle de Morgan Grimes dans la série Chuck, vu également dans les séries Castle, Scorpion ou encore Lucifer. 1976, naissance de Laura Harris, actrice canadienne vue dans la saison 2 de 24 heures chrono dans le rôle de Mary Warner ou encore Date Like Me dans le rôle de Daisy Adair. 1977, naissance de Josh Turner, chanteur et guitariste américain. 1978, naissance de Nadine Velasquez, actrice et mannequin américaine, vue à la télévision dans la série Earl, Major Crimes ou encore The League dans le rôle de Sophia Ruxin. Et on termine en 1986 avec la naissance d'Ashley Fink, actrice américaine, vue dans la série télé Glee, dans le rôle de Lauren Zeiss. Allez, avant de s'écouter Barbara Hendricks, on va faire un point sur les sorties cinéma, comme tous les mercredis, et vu la météo d'aujourd'hui, pourquoi pas aller au cinéma. On commence avec un film que tout le monde attend, c'est le nouveau Disney, La Reine des Neiges 2, film d'animation, bien sûr, de Jennifer Lee et Chris Buck, avec les voix françaises d'Amy Lou Holmes, de Charlotte Hervieux, et ou encore de Danny Boone, qui reprend la voix d'Olaf. Une grande absente de ce Reine des Neiges 2, eh bien c'est Anaïs Delva qui avait interprété Libérée, délivrée. On s'en souvient, les parents ont détesté cette chanson, les enfants faisaient que de la fredonner. Eh bien voilà, elle ne reprend pas ce rôle dans la Reine des Neiges 2. Donc voilà, elle est remplacée. Et on va s'écouter un petit extrait de la nouvelle chanson de ce second volet de la Reine des Neiges qui sera, à mon avis, moins entêtant que Libéré, délivré. Ça s'intitule Dans un autre monde. On s'écoute tout de suite un petit extrait. J'ai tenté l'aventure et je me suis perdue. Je ne veux plus partir ni m'élancer vers l'inconnu. Dans un autre monde. Cette voix, celle qui me maintient éveillée, est-ce un vent de liberté, un chemin abandonné? Vient-elle de quelqu'un au loin qui me ressemble en tout point, qui mieux que moi pourrait savoir d'où je viens? Chaque jour un nouveau défi. Mélange de gloire. Voilà pour l'extrait donc du titre Dans un autre monde ce second volet de La Reine des Neiges. Allez, on continue les sorties ciné. On file tout de suite vers une comédie de Fabrice Braque intitulée Joyeuse retraite avec Thierry Lhermitte, Michel Larocque ou encore Nicole Ferroni. Autre film, Les Misérables, un film policier drame de Lajli avec Damien Bonnard, Alexis Mananti ou encore Djibril Didier Zonga. Autre film, Les Éblouis, un drame de Sarah Succo avec Camille Cotin, Jean-Pierre Daroussin ou encore Eric Caravaca. Autre film, Knives and Skin, un drame de Jennifer Reeder avec Marika Engelhardt, Raven Whitley ou encore Audrey Francis. Un film d'animation cette fois-ci, Pat et Matt en hiver. Autre film, Terminal Sud, drame thriller de Rabah Amor Zaimesh avec Ramzi Bedia, Amel Brahim Djelloul ou encore Slimane Dazi. Et enfin, on termine avec Les Enfants d'Isadora, drame de Damien Manivelle avec Agathe Bonitzer, Manon Carpentier ou encore Marika Rizzi. Voilà pour les sorties cinéma. On écoute tout de suite Barbara Hendricks qui interprète le titre Amazing Grace. Sweet the sound that Barbara Hendricks avec son interprétation du titre Amazing Grace sur le 107FM. Un peu plus de 8h53, on parle météo. La météo. Le dicton tout à l'heure nous disait 20 novembre brumeux, hiver rigoureux. Eh bien, espérons que ce ne soit pas vraiment le cas puisqu'on a du brouillard actuellement. Il y aura également des nuages, mais on devrait quand même apercevoir le soleil aujourd'hui. Des températures négatives ce matin, comprises entre moins 3 et moins 2 degrés. Pour cet après-midi, ce sera entre 4 et 5 degrés. Pour demain jeudi, ce sera des éclaircies, des températures comprises entre moins 1 et 0 degrés le matin. Entre 7 et 8 degrés prévus pour jeudi après-midi. Vendredi, des éclaircies également, des températures comprises entre 3 et 4 degrés le matin, entre 8 et 9 degrés prévus pour vendredi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. On va commencer avec le tennis et la Coupe Davis ou la World Cup, comme vous voulez. En tout cas, la France s'est imposée 2-1 hier face au Japon. Joe Wilfried Tsonga a apporté le premier point en s'imposant en 2-7. Gaël Monfils, transparent, lui a perdu en 2-7. Et le double Herbert Mahut a apporté donc la victoire en 3-7. Alors, par contre, que ce match était triste niveau ambiance puisque les tribunes étaient presque vides. Alors la lumière dans les tribunes est éteinte, ce qui permet de ne pas voir exactement le nombre de spectateurs qu'il y a, mais pour les hymnes nationaux en tout cas on voyait bien que les tribunes étaient vides. En plus, les supporters français qui boycottent donc ce nouveau des systèmes de la Coupe Davis, donc on entendait plus les supporters japonais, donc on est loin, mais très loin de l'ambiance que l'on a connue par le passé, notamment à Lille, où il y avait une ambiance absolument magnifique, ou encore même à Nancy, quand il y avait eu France-Allemagne il y a quelques années maintenant. Donc voilà, on entendait plus les supporters japonais que les supporters français. C'est vraiment triste. Prochain rendez-vous pour les Bleus, ce sera demain contre la Serbie de Novak Djokovic. Et Gaël Monfils a laissé entendre en interview d'après-match qu'il se pourrait bien que ce ne soit pas lui d'ailleurs qui joue contre la Serbie. Il a déclaré que Benoît Paire était prêt. Gaël Monfils a envie d'un break, même s'il a fait plutôt une bonne saison. Donc voilà, on verra bien demain qui pour affronter la Serbie. On fait un point football maintenant. On parle tout d'abord des espoirs avec avec un match de qualification pour l'Euro 2021. La France a perdu contre la Suisse 3 buts à 1. En U20, match amical, les Bleuets ont battu les Pays-Bas 2 à 1. Et on va parler de l'équipe de France A pour l'Euro 2020. Eh bien, ça y est, c'est officiel. La France fait bien partie du chapeau numéro 2, étant 7e meilleur premier. Et on termine avec du basket et la Leaders Cup et la demi-finale retour. Et fin du parcours pour Nancy qui s'arrête là après sa défaite à Antibes 75 à 65. Allez, tout de suite, dernière pause avec Josh Turner et son titre Your Man. Lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on. Just to be your man. There's no hurry, don't you worry. We can take our time. Come a little closer, let's go over what I had in mind. Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on. Just to be your man. Never loved nobody way that I love you. We're alone now. You don't know how long I've wanted to. Lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling that was quite this strong. I can't believe how much it turns me on. Just to be your man. I can't believe how much it turns me on. Just to be your man. Et voilà, c'était Josh Turner avec son titre Your Man sur RGM. Un peu plus de 9h, on fait un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. Rendez-vous à 10h avec les Jeunes de l'IME de Saint-Amé. 11h30, ce sera en route vers l'insertion avec Chris. 13h30, la rediffusion de la chronique d'Amadou. 21 Nothing But The Blues. Et nous, on se retrouve demain matin. Et excellente journée à tous.